La musique s'exprime, le DJ et sa voix. Vous écoutez Galaxy, il est 20h02. Bienvenue si vous venez nous rejoindre. Et puis bienvenue à toi Lilian, comment ça va? Bien. Bah ça va, l'alerte météo est levée il y a depuis une heure, donc oui ça va. Alors chers auditeurs, donc si vous êtes en mode détente, after work ou festif, tout ce que vous voulez, donc sachez que vous êtes bien dans l'émission Refresh jusqu'à 22h. On aura un mix tout à l'heure vinyle, 100% vinyle, et plein de news, plein de bons plans, plein de trucs sympathiques. Le premier morceau, d'ailleurs un petit peu de circonstance, puisque ça s'appelle Pluie Fine, intitulé Pluie Fine et signé Corinne, et c'est d'ailleurs un morceau qui était remixé par Polo & Pan il n'y a pas très très longtemps, qu'on va diffuser tout à l'heure. Polo & Pan que vous allez pouvoir retrouver en concert à l'Aéronef le 13 mars. Voilà, on s'écoute donc Pluie Fine remixé par Polo & Pan. Bon week-end avec Galaxy. Galaxy. Les oreilles, la voix la plus directe vers l'esprit. Bonjour à tous, bienvenue sur IMTV, dans votre émission musicale, Soul Train. Je vous demande d'accueillir la ravissante Corinne. Nous allons maintenant retrouver vos danseurs sur les rails. Ils vont tout donner. Il faut qu'ils fassent attention à ne pas se retrouver sous le train. De la tête aux pieds. Plus fine. Nuit est horrible. Plus fine. Torride. Plus fine. We'll be right back. chers téléspectateurs, notre émission touche à sa fin. Je tenais tout simplement à remercier Corinne, Polo et Pan, tous les artistes, les danseurs, les musiciens. Et on se retrouve, comme chaque semaine, sur IMTV, dans votre émission préférée, Sous le train. Merci, merci, merci, merci Lilian, merci. Merci. T'es merci. Là ouais, merci Corinne. Ouais. Merci Corinne, oui, effectivement. Alors, on va se mettre un peu. Au lieu de la bande BI Disco, on va se mettre un bon son là. Ouais, ouais. Le fameux Audio Jack Rêverie, donc sorti l'année dernière et qui cartonne et qui est enfin sorti en vinyle sur une compile qui s'appelle Spirit, sortie par Crosstown Rebel. C'était cuit lui. Au revoir. Oui, je t'écoute. Bah c'est bon, j'ai fini. Sorti par. Alors, attends, je reprends la feuille. Ouais, vas-y. Crosstown Rebel. Oui, c'est parti. La musique électronique a une âme. Chut. Écoutez. Écoutez. Elle va parler. Elle va parler. Your eyes to the world. When you are in a deep meditative mood, blissful, ecstatic, the body is not there. You have become aware of the inner tree of life, and it is going higher and higher, and you feel that you can fly. Audio Jack donc à l'instant sur Galaxy. Je te laisse, le micro. Avec le titre Rêverie. Yes. Bon, ça nous met dans un monde, hein. Ça nous fait rêver ce morceau. Toujours bien pour faire la fête. Alors donc là, on va enchaîner sur un Buka Chase, White Noise, le bon vieux Buka Chase, un classique, featuring. Alors c'est le... Bon, vous allez reconnaître, je vous donnerai les infos tout après. Thank you. l'instant donc le White Noise featuring Chelonis, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, signé Buka Shade. Un autre morceau, on va repartir dans un registre encore un petit peu deep, je te laisse. En ce moment Defected nous fait vachement plaisir et là je viens d'acquérir une compilation vinyle DJ House in the House. Donc là avec le titre New York House Authority qui a signé le morceau APT.2A, bon, désolé c'est un petit peu barbare hein, comme nom. Et le remix est signé par Hugo Massienne. Allez, on s'écoute le son Defected qu'on affectionne particulièrement sur Galaxy. Surtout en ce moment. Et c'est parti. Galaxy, Excellent morceau, excellent choix Lilian, ce titre. Alors, rappelle-nous ce que c'est. APT.2A, signé le remix signé par Hugo Massienne. Ok, alors donc voilà, on va repartir sur un autre son. Et je viens d'avoir un petit message complètement impressionnant de notre ami Willy, directeur de la radio, qui vient de m'annoncer une grande nouvelle. Écoute, apparemment c'est bien. Donc tu sais que c'est la cérémonie des Césars ce soir. Oui, tout à fait. Et alors on a donc Fadette Drouard qui est intervenue sur l'antenne de Galaxy Animatrice et qui a été nominée au César meilleur scénario quand même. Attention de cette année. C'est voilà le scoop. Merci Willy, écoute pour cette info. On va repartir sur du bon son avec Artbat, le Sand in Your Shoes, découvert la semaine dernière dans le mix La Source. êtes sur Galaxy, il est 20h32. Vous allez bientôt retrouver le mix de Refresh en only vinyle. Alors Nico a fait une petite sélection, il y aura de la tech house, de la rétro et plein de bonnes choses. On se retrouve juste après la pub sur Galaxy. Galaxy, Galaxy. Le DJ et sa voix. Donc là, je laisse place à Nico qui nous commence son mix avec une intro de Cavework. Allez, c'est parti. Bonne soirée sur Galaxy. destiny. In reality, towards my fantasy. Come with me in my fantasy. It's an ecstasy. It's my reality. Ecstasy. It's my destiny. That you come with me. In reality, it's an ecstasy. It's my fantasy. It's an ecstasy. We're almost there. Can you feel it? Oh, can you feel it? My ecstasy. Oh, come with me. Can you feel it? It's in fantasy land. Oh, fantasy land. My destiny. My destiny. It's in reality. It's in reality. It's filled with ecstasy. Ecstasy. Ah, can you feel it? Ah, can you feel it? We're almost there. Ah, we're almost there. Yeah, you can feel it. Can you feel it now? Yeah, you can feel it now. We're almost there. We're almost there. Towards my fantasy. Ecstasy. Fantasy. Ecstasy. Fantasy. Reality. We're there. Oh, yes, we're there. We're there, we're there. Towards my fantasy, towards my fantasy. Oh, feel it now. Can you feel my ecstasy? Yeah, you can feel it now. Here it goes. Nobody in the streets, but my people, considers ourselves a family. Cause you turn around and you hang out there in the streets and everybody just wanna turn around and screw you. At that time, it was real tight, you know? They were fucked over each other. They took care of each other real good. I wasn't born to lose. Come you. Get your friends. We'll be right back.

est 22h, vous êtes à l'écoute de Galaxy. On se retrouve la semaine prochaine avec notre invité Little Moonkey. Excellent week-end sur Galaxy. Only mix on Galaxy. La musique s'exprime, le DJ et sa voix.